8h30, à ses aiguilles, je sors de mon dunlopilo. Son cliquetis s'est affaibli, je remonte sa libido. À genoux sur ma chaise de bureau, je regarde passer les autos. Si le monde va travailler, j'irai peut-être après le café. Assis là, j'écoute pousser les fleurs de l'avenue des Cerisiers. Et déjà 10 heures passées, selon qui m'a montré pousser. Café fini, 10h30, me souffle-t-elle incognito. Au bout du fil, je justifie la chaise vide à mon bureau. Mon réveil était bien réglé, mais cette nuit mon chien l'a mangé. Je croyais que t'avais pas d'animaux. Je soufflais mal humain mégo. Assis là, j'écoute pousser les fleurs de l'avenue des Cerisiers. Déjà 11 heures passées, selon qui m'a montré pousser. Midi et demi, je me saisis, je me lève illico presto. Je vérifie mon parapluie, pas confiance en la météo. Double flot sur mes godillots, mais je retrouve plus mon chapeau. En cherchant sous le canapé, par mégarde je m'y suis posé. Assis là, j'écoute pousser les fleurs de l'avenue des Cerisiers. Déjà 13 heures passées, selon qui m'a montré pousser. 2h30, je réfléchis, j'y serai plus vite à vélo. Mais celui-ci est aplati et ne me veut plus sur son dos. J'arrive à 2 pas du boulot et vois descendre les rideaux. Je secoue la porte fermée, j'ai pas vu la journée passer. Assis là, j'écoute pousser les fleurs de l'avenue des Cerisiers. Déjà 18 heures passées, selon qui ma montre poussée.